m'appelle Ismaël et bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur votre émission Happy Dance 35, une émission que j'anime pendant 2 heures pour vous faire découvrir le classement des 35 meilleurs hits EDM du moment. Et ce, bah justement, à travers un classement en partant du 35e au premier. Et oui. Alors avant de commencer justement le classement de cette semaine, on va s'intéresser à 3 singles qui quittent justement le top 35, à savoir Let It Be Me de Steve Aoki et des Backstreet Boys. Effectivement, Let It Be Me finit à la 46e position cette semaine et la semaine dernière était classé 32e. Il y a aussi Violence de Grimes et Yo qui a fini eh bien 40e cette semaine. Et pour finir, Holly Terran qui signe la plus grosse chute de cette semaine en passant de la 18e position à la 37e. Et voici en avant-première un petit extrait de la nouveauté qui arrive en 35e position cette semaine. C'est un single signé de Duc Dumont et de Zach Abel, ça s'appelle The Power et c'est à découvrir tout de suite dans Happy Dance 35. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 35. You do me, I do you, feed me lies and we'll find the truth. Feel the light, numb the pain, kiss the sky and we'll make it rain. Getting close, breaking through, confidence looks good on you. Feel the light, numb the pain, kiss the sky and we'll make it rain. And we'll find the truth. Feel the light, numb the pain, kiss the sky and we'll make it rain. Getting close, breaking through, confidence looks good on you. Feel the light, numb the pain, kiss the sky and we'll make it rain. Les amis, à l'instant, c'était un single signé de Duc Dumont et Zach Abel de DJ. Et oui, bienvenue dans Happy Dance 35, le meilleur classement des 35 hits musicaux dance electro. C'est toujours en cours, durant 2 heures, pour vous et rien que pour vous, chers amis. En attendant, c'était The Power, à l'instant, classé numéro 35 cette semaine et qui est une nouvelle entrée dans ce classement. On va continuer avec tout à l'heure, attention, écoutez bien, ce sera Instagram de Dimitri Vegas et Like Mac qui signent leur grand retour dans ce top 35 en prenant la 31e position. Now you know who the fuck I am. Who the hell? C'est pas tout, on aura aussi Griffin, une nouveauté aussi dans ce top 35 cette semaine, avec Baggage, qui arrive directement à la 32e position. Il y aura aussi Don't Wanna Dance de Boston Bun, classé 27e la semaine dernière et qui a perdu 6 positions puisqu'il classe 33e cette semaine. Allez, tout de suite, on écoute le 34e cette semaine dans ce classement des 35 meilleurs tubes EDM. C'est une nouveauté aussi, c'est United in Dance de Crystal Waters et Arnaldo. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 34. numéro 32. To get out of space, but I still see a smile, still on every face. And I bring all of the shit I got from you now. Whenever I move on to someone new now, I look out for your grey car when I'm out on the road. And when I would have paper, it's the way you showed. And I wear all of the habits that you gave me, right next to all the crazy that you made me. I never wanna, never wanna, never wanna think about you again, but I do sometimes. I never wanna, never wanna, never wanna think about you again, but you left all your baggage in my head. You left all your baggage in my head. You made it impossible to forget. You left all your baggage in my head. It used to be open, I was never afraid. I put all of my trust in a feeling. When somebody said love, I believed it. No, I wear all of the habits that you gave me, right next to all the crazy that you made me. I never wanna, never wanna, never wanna think about you again, but I do sometimes. You left all your baggage in my head. You left all your baggage in my head. You made it impossible to forget. You left all your baggage in my head. You left all your baggage. Ismaël, vous écoutez Happy Dance 35. Hit numéro 31. Just bought a black Ferrari, house in the hills in LA. Say that you'll take care of me. Sorry, but I don't need a plan like that. Don't need a man like that. What you say? You say that you've been on TV, and I should come back to your place. Hola, let me set you straight. School's in session, let me educate. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Listen up, cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole wide world. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Fly away, little Peter Pan. Now you know who the fuck I am. Who the hell? Puedes vender, solo yo sé que cuando tú me ves cae rápido, cae rápido. Conmigo sale a flote, te pasas en mi bote. Me fingo irá contigo y en tu cacha te la noté. No digas que no, no digas que no. Te vieron perreando conmigo en el club. Porque cuando tiro soy el Fran Franco, tirador que siempre te dé en el blanco. Mi cuenta de vista, pero soy franco. Nadie deposita más que yo en el banco. Me da igual, sé lo que te conviene. Who the hell do you think I am? I don't talk about your Instagram. Listen up, 'cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole wide world. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Fly away, little Peter Pan. Now you know who the fuck I am. Who the hell? But did you think about the consequence? Slow up, you don't know me like that. Two steps forward and not two steps back, like, oh, losing my patience, I try to play nice. Instagram à l'instant dans Happy Dance 35, un single signé de Dimitri Vegas and Like Mike en coopération avec David Guetta, Daddy Yankee, Afro Bros et Nati Natasha. Allez, bienvenue dans votre émission des 35 meilleurs hits EDM du moment classés à travers eh bien, ce classement qui continue bien évidemment avec le numéro 30 de cette semaine, c'est Skrillex, Midnight Hour. Hit numéro 30. I did my best, wasn't good for you. I wish the best for both of you. Family and friends, they are close to you. Damn, it's so hard to get over you. Late in the midnight hour, you made the worst decisions. I was always there to listen, but this time, time to talk. Tried to prove myself to you, baby. I've been staying down with patience. Taking me through all of your phases. How you traded all trading places. Late in the midnight hour, you made the worst decisions. I was always there to listen. Not this time. Time to talk. Like a marathon, just let me down all the way home. Come with no drama, ain't never been wrong. I know you ain't put me in the friend zone. Fight does that, I'm in the end zone. Bust down on the rest though. Late in the midnight hour, you made the worst decisions. I was playing my position, you got missing. Decisions. I was always there to listen. Time to talk. Bonjour Ismaël, avec vous durant deux heures dans cette émission Happy Dance 35 qui vous fait le classement des 35 meilleurs hits EDM du moment. On a écouté à l'instant Midnight Hour, un single signé de Skrillex. On va continuer bien évidemment la suite de ce classement puisque tout à l'heure, eh bien on écoutera du Marshmello, 27e position cette semaine, qui a chuté de deuxième place. Eh bien, c'est Rescue Me.

And you should know that you're all that I wanted. And I'll always be feeling the same. Like, oh my God, ooh, I think I might love you. Cause I only liked a lot of things before I knew the way I love it when you touch me now. Oh my God, ooh, I think I might love you. Oh, cause I only liked a lot of things before I knew the way I love it when you touch me now. Oh my God, I think I might love you. Oh my God, ooh, the way I love it when you touch me now. Oh my God, ooh, I think I might love you. Cause I only liked a lot of things before I knew the way I love it when you touch me now. Hit numéro 27. Never been safer, never come closer. Another year down and another year older. A million fresh starts, what I needed was closure. Yeah. I lost who I was, but I found my composure. Yeah. When I found you, dans Happy Dance 35, on vient d'écouter tous ensemble Marshmello avec son single qui s'appelle Rescue Me en featuring avec A Day to Remember, classé numéro 27 cette semaine. On va continuer tout à l'heure avec le 25e qui est All Around the World, La La La de Rihab et de Touch of Class qui a tout de même gagné 6 positions. Et puis tout de suite on écoute There For You de Gorgon City et MK, classé numéro 26 cette semaine. Hit numéro 26. So long, thought

Eh bien, les amis, le classement des 35 meilleurs tubes EDM du moment continue, bien évidemment, toujours accompagné par votre fidèle serviteur Ismaël. Tout ça, ça se passe dans Happy Dance 35 et pendant 2 heures d'émission. On approche déjà presque des 1 heure, hein, d'ici une petite vingtaine de minutes, ça sera le cas. Mais pour l'instant, intéressons-nous un petit peu à ce qu'on va écouter tout à l'heure. Il y aura notamment, eh bien, cette semaine à la 21e position, Griffin avec All You Need To Know. Griffin qui est passé donc de la 26e position à la 21e et gagne donc 5 places. On aura aussi Avicii avec son single Even, toujours numéro 22 cette semaine. Pas de changement donc cette semaine pour cette single, enfin pour ce single pardon, signé et surtout extrait de cet album qui s'appelle Team. Voilà, album posthume du légendaire DJ Avicii. Il y aura aussi Nails, Hair, Hips, Heels, The Todrick Hall. Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big, bill. Perso, j'adore ce refrain. Ça sera en 23e position et ça arrive juste après, tout de suite, Tiesto, Jonas Blue et Rita Ora sur Ritual. Hit numéro 24. Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big, bills, bitch, I'm a big deal, legs, legs, face, eyes, thin, waist, thick, thighs, you, me, you, wish, new phone, who, this, pussy, puss, puss,

to heaven. You need to.

Et oui, le classement des 35 meilleurs hits EDM, c'est toujours en cours dans votre émission Happy Dance 35 avec Ismaël. Bien évidemment, vous le savez, c'est 35 tubes EDM que l'on écoute durant 2 heures de musique. Ça va déjà faire presque une heure que l'on est ensemble, hein, à quelques secondes près, peut-être même quelques minutes. Ça dépend le temps, voilà, vous savez qu'il diffère un petit peu selon eh bien chacun notre perception. Mais en tout cas, à l'instant, on a écouté Roberto Suras avec Joyce. C'était le numéro 19 de cette semaine. D'ici quelques minutes, on écoutera eh bien Martin Garrix avec Summer Days, classé tout simplement numéro 15 cette semaine et qui gagne 2 places dans le classement des top 35. In the morning, and you don't even know it. I knew that. Sur ce single a coopéré notamment Macklemore et aussi Patrick Stump, d'où son classement dans les hautes charts. Mais c'est pas tout, il est aussi en 16e position I'm Not Alright, Lord Luxury et Bryce Vine. Et Illinium in Your Arms, ça arrive très bientôt. Illinium qui a eh bien, coopéré sur cette chanson avec X Ambassadors pour vous proposer un tube classé numéro 17 cette semaine et qui gagne 2 places. Mais pour l'instant, place à Jonas Blue avec I Wanna Dance. Beat numéro 18. I wanna dance, lose my mind, think about you all the time. I wanna dance, lose my mind, think about you all the time. I wanna dance, lose my mind, think about you all the time. I wanna dance, lose my mind, think about you all the time. I wanna dance, lose my mind, think about you all the time. I wanna dance, lose my mind, think about you all the time. I wanna dance, lose my mind, think about you all the time. I wanna dance, lose my mind. Think about you all the time. I wanna dance, use my mind. Think about you all the time. I wanna dance, use my mind. Think about you all the time. I wanna. Home.

vous souvenez sûrement de ce groupe, les amis, qui s'appelle les LMFAO et qui a malheureusement disparu depuis, eh bien, leur grand succès qui leur ont valu beaucoup de nominations aux Awards, enfin beaucoup, un certain nombre tout de même. 6ix9ine, voilà, c'était par eux. On avait eu aussi le droit, eh bien, à ces deux vidéos sur YouTube qui faisaient une mini histoire, à savoir Party Rock Anthem et Champagne Shower, qui d'ailleurs à cette époque avaient, eh bien, fait monter en flèche la mode du anthem. Vous savez, c'est cette chorégraphie avec un énorme groupe, au moins une quarantaine, cinquantaine de personnes, et les gens prenaient ça en vidéo dans les villes, etc. Et ça faisait le tour du monde, tout le monde likait ça, c'était la musique de l'année de cette époque. Mais faut pas oublier que actuellement, en 2019 et même 2018 et les années qui vont à venir, on est dans une période électro dance music très différente et qui évolue bien évidemment. Et puis franchement, on ne peut pas passer de tubes à côté tels que Ellie Goulding et Close to Me. Aujourd'hui, si vous aimez la musique EDM, vous connaissez forcément, eh bien, Diplo. Voilà, un grand DJ. Il y a aussi Swae et Ellie Goulding. Et tout ça, ça donne une chanson, Close to Me, que l'on découvrira tout à l'heure en position numéro 7. Il y aura aussi Call Your Mind des Chainsmokers avec Bebe Rexha. Call Your Mind qui a perdu 3 positions et qui est 8ème cette semaine. Et puis, on a aussi Major Lazer qui va arriver avec Kekalor. Ce sera d'ici quelques instants, même je dirais maintenant, puisque juste après Kekalor, on va écouter Regard et Ride It dans Happy Dance 35. Beat numéro 10. Colombia, like a diva saying you don't wanna pay. It's gotta be your feisty style, raise that brow. I love it when you look at me that way. Now we're in the border of mojito at the bar. Reapply your lip because it came off on the glass. The DJ plays your favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Thank you.

Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. But no, that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. But no, that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. So I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. Merci d'avoir été aussi nombreux ce soir à me suivre dans cette émission Happy Dance 35 qui, j'espère, vous aura fait un plaisir monstrueux. Et oui, je vous dis monstrueux puisque vous l'aurez remarqué, mais les musiques sont de plus en plus exceptionnelles au fur et à mesure des années en tant que musique électronique, dance, électro. Bien évidemment, moi, c'est un style que j'adore depuis, eh bien, presque 6 ans maintenant. Écoutez, et franchement, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager ce moment durant 2 heures avec vous à travers ce classement de 35 tubes actuellement exceptionnel. Franchement, on va pas se mentir, je vous ai surtout parlé tout à l'heure de Happier qui était certifié disque de platine 5 fois, donc ça fait plus de 5 millions de ventes, voilà, tout confondu, que ce soit streaming, album, matériel, etc. au niveau de ce single, donc de Marshmello et Bastille. Mais il y a aussi Taki Taki de DJ Snake qui est en featuring avec Selena Gomez, Ozuna et Cardi B, qui est tout de même certifié triple disque de platine, ce qui veut dire 3 millions de ventes au minimum. Il y a aussi Close to Me de Ellie Goulding et Diplo qui est disque de platine, et puis Call You Man des Chainsmokers et Bébé Rexha qui est quand même certifié disque d'or, qui veut dire au minimum 500 000 ventes actuellement avant d'aller peut-être vers le million très bientôt. En tout cas, c'est à découvrir au fur et à mesure des prochains classements qui arriveront très bientôt, c'est promis. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. C'était Ismaël au micro. On se retrouve très bientôt pour un nouveau classement des 35 meilleurs tubes EDM du moment dans Happiness 35. Ciao, bye bye.